Chapitre 15. Le papier caché si jalousement par Teddy était d'une clarté limpide. Un simple reçu de la banque Fortmice, 221 Cambridge Avenue, à Londres, mentionnant que ladite banque s'engageait à remettre à Miss Julia Jacobsen un lot de 981 perles contenues dans une boîte de bois dûment scellée et qui lui avait été expédiée de Sydney par les soins de M. Edward Clams, agissant au nom de Miss Jacobsen. C'était tout et c'était assez. « Nous savons maintenant où sont les perles, » fit Piebald. « Il ne nous reste plus qu'à aller les chercher. »« Elles ne seront remises qu'à Julia Jacobsen ou à son fondé de pouvoir, » murmura Argolian. « C'est pour cela que Teddy voulait épouser Julia Jacobsen, s'il ne l'a pas fait encore, » grommela Piebald. « Et Julia Jacobsen va mourir, » observa le docteur Meraki, sec. Un silence suivit ces paroles. Piebald, à l'aide d'une clé trouvée sur Teddy, ouvrit le sac de voyage. Il contenait quelques vêtements et un gros portefeuille de maroquin noir. Piebald le retourna et en vida le contenu sur le bureau de Meraki. Des papiers jaunis, coupés aux plis et cornés, s'en échappèrent. Les lettres de Carl Jacobsen à sa petite-fille pendant les quelques années qu'elle avait passées au collège de Brisbane. D'autres lettres adressées à la jeune fille par des amis, et ce qui était plus important, les papiers d'identité de Julia Jacobsen. Son acte de naissance, celui de son père et de sa mère, ainsi que leurs actes de décès. Un passeport, dûment paraffé et légalisé à son nom, et une lettre de crédit également à son nom, d'un montant de 400 livres sterling, émise par l'Australasian Bank de Sydney. Avec cela, nous sommes armés, murmura Piebald. Il explora le portefeuille de Teddy, qui contenait des papiers en règle au nom d'Edward Clams, quelques billets de banque français pour 1100 francs, 17 livres sterling en banque-notes et enfin un projet de contrat de mariage établi en vue de l'union entre ledit Edward Clams et Miss Julia Jacobsen. « Pas d'erreur, » grommela Piebald. « Les passeports et les autres papiers prouvent qu'ils ne se sont pas mariés, mais qu'ils allaient le faire. » Ce voyou de Teddy avait bien calculé son affaire, comme il me l'a fait comprendre dans le fumoir de l'Australienne. En épousant Julia Jacobsen, il devenait le légitime propriétaire des perles et coupait court à tout soupçon en sa qualité de petit gendre de Jacobsen. Mais comment a-t-il réussi à enjôler la fille? Nous causerons de cela tout à l'heure, coupa Meraki. Je vais voir comment va cette petite imbécile. Après, nous dînerons. Attendez-moi ici. Il sortit sur ces mots. « Nous savons où sont les perles, » grommela tout aussitôt Argolian. « Mais ce que nous ne savons pas, c'est comment nous en emparer. Une fois Julia Jacobsen morte, ce sont les parents qui héritent, et nous sommes frustrés. Quand je pense que j'ai accompli un pareil voyage et couru tant de risques, les affaires deviennent bien difficiles. On peut cambrioler la Banque de Londres, » observa froidement Piebald. Argolian ne répondit que par un frisson. C'est assez facile d'opérer en Angleterre, poursuivit Piebald, et l'affaire en vaut la peine. Moi, je risque d'être pendu, souffla Argolian d'une voix rauque. Vous vous êtes fait rouler par Drôle d'abord, et par Teddy ensuite. Laissez-moi vous le dire, monsieur Argolian, à votre place, je serais resté là-bas jusqu'au bout. Teddy nous a manœuvrés, et nous a fait supprimer Drôle, et ensuite, certain d'être seul sur l'affaire, il a ramené la jeune Julia, dont il nous avait annoncé la mort. C'est le plus malin d'entre nous. Mais pour ce que cela lui a servi, en tout, il faut considérer la fin, monsieur Argolian. Je me demande ce que cette canaille a fait de ma fille, murmura le marchand de pierreries. La canaille, c'était monsieur Xavier. Bah, nous l'enlèverons de là, assura Piebald d'un ton pénétré. Elle sera madame Piebald et riche, vous verrez. J'ai toujours pensé que je réussirais. « Voyez-vous, dans la vie, monsieur Argolian, il faut avoir des préjugés, mais pas de scrupules. » Argolian ne répondit pas. À la dérobée, il lança vers Piebald un regard de haine intense. Piebald, qui l'avait ruiné, déshonoré, qui avait fait de lui un assassin ou presque, et qui se donnait le plaisir de le sermonner. Lui, Argolian, était à cette heure poursuivi par la police, ruiné. Sa fille le méprisait, il avait tout perdu. Argent, considération, tranquillité, et Piebald se déclarait satisfait. Le marchand de pierreries s'assit dans un des fauteuils et le coude sur un genou, le menton encastré dans la paume de sa main gauche, il resta immobile, les dents serrées, l'œil fixe, à songer. Piébald eut un ricanement cynique, et pour passer le temps entreprit de lire les lettres de Karl Jacobsen à sa petite-fille, à cette petite-fille que le bandit avait empoisonnée et qui allait mourir. Un quart d'heure, peut-être plus, s'écoula sans que les deux complices eussent échangé un mot. Arguelion était toujours plongé dans sa sinistre méditation. Piébald, que la lecture des lettres du vieux Jacobsen ennuyait, avait allumé un cigare qu'il fumait lentement en lançant les bouffées de fumée vers le plafond. Le docteur Epaminondas Meraki reparut. Il paraissait soucieux. « Fini, » murmura-t-il. « Elle est morte ?» s'écrièrent ensemble Arguelion et Piébald. « Pas encore. Elle s'en va doucement. Déjà, elle ne parle plus. Aphasie complète. Le cerveau est pris, paralysé. Elle ne verra pas se lever le soleil. « De quelle maladie mortelle ?» questionna Piébald en regardant le médecin d'une certaine façon. « Abus de cocaïne et d'héroïne. Cette jeune fille s'était intoxiquée et elle est venue à moi trop tard, » fit Meraki avec le plus grand sérieux. En tout cas, pour liquider la question une fois pour toutes, il n'y avait rien à faire. J'ai laissé une infirmière auprès d'elle. J'ai pratiqué des piqûres de caféine. Rien n'a été épargné pour sauver cette infortunée. De profundis. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous mener dans mon appartement. Vous y changerez de vêtements et nous dînerons. » Sans en maudire, Arguelion et Piébald suivirent le médecin. Celui-ci les emmena au premier étage, dans une vaste penderie où des vêtements de toutes sortes, uniformes de l'armée de terre et de mer, robes de juge, d'avocat, habits de toutes conditions, depuis les fracs de soirée jusqu'aux modestes vestons, en passant par les redingotes et les smokings, étaient rangés. Il y en avait de toutes les tailles, pour tous les goûts, un véritable fond de costumier. Piébald et son éventuel beau-père choisirent chacun un costume complet et, ayant changé de linge, s'habillèrent rapidement. 10 minutes plus tard, elle s'installait avec Meraki dans la salle à manger où les attendait un succulent dîner. Le café pris, les trois hommes regagnèrent la véranda cabinet de travail du médecin aliéniste. Sur la demande de Meraki, Piébald expliqua ce qui s'était passé depuis le moment où, avec Arguelion, il avait réussi, grâce à Sonia, à quitter la maison du mystérieux Xavier. « On peut dire, raconta-t-il, que tout s'est bien passé au commencement. Nous prîmes le rapide pour Marseille et arrivâmes à temps pour rejoindre Teddy à bord de l'Australie. Nous comptions l'emmener bien tranquillement, puisque dans sa dernière lettre, il disait être d'accord avec nous. Mais comme je craignais de voir arriver quelques policiers, j'avais eu la précaution, ainsi que nous l'avions convenu par téléphone, docteur, d'aller à l'arrivée à Marseille prendre votre voiture qui est égarée chez Goliath depuis notre dernière affaire. Enfin, M. Arguelion, déguisé en chauffeur et moi en officier anglais, nous arrivons devant l'Australienne. Je rejoins Teddy, il me présente à sa femme, se moque agréablement de moi et finalement me déclare qu'il va prendre le Calais Méditerranée et que je ferai bien de ne plus me trouver sur sa route. Rien que ça. Fiez-vous aux amis. Je n'ai pas perdu mon temps. Teddy avait eu tort de me faire savoir qu'il partait sur le Calais Méditerranée, d'autant plus que le rapide ne quittait Marseille qu'une grande heure plus tard. Bref, je donnai rendez-vous à M. Arguelion près de la petite gare d'Entresaint, en pleine crocs, et je courus chez Goliath. Je changeai de déguisement et réussis avec Goliath à rejoindre le Calais Méditerranée quelques minutes avant son départ. Je fis enregistrer une malle contenant une bombe à retardement que Goliath m'avait fabriqué en hâte et qui était réglé de façon à éclater 50 minutes après l'heure fixée pour le départ du train, c'est-à-dire juste au moment où le convoi passerait à Entresaint. Ce fut ce qui arriva. Goliath est admirable horloger. Et Goliath s'installa dans le compartiment de Teddy et de sa femme. Il les accompagna au wagon-restaurant et versa dans leur chocolat une bonne partie de la poudre numéro 1 contenue dans le chaton de sa grosse bague. Lorsque près d'Entresaint la bombe éclata, crevant le fourgon et y mettant le feu, et que le train s'arrêta, Teddy et sa femme, si elle est sa femme, étaient mûres, complètement abruties. Nous les fîmes descendre, mais ce diable de Teddy, pris d'une rage soudaine, assomma Goliath, m'étrangla à demi. Et voilà qu'un avion atterrit, dans lequel se trouvaient Korf et l'anglais Joey Blanquette. Dans un sens, ce fut un bien, car Teddy se calma. Je montai dans l'auto avec lui et nous filâmes. Ouf, j'en ai encore chaud. Et Piébald, dans quelques mots, acheva son récit. La situation est sérieuse, convint le médecin. Et je peux dire que la fatalité semble s'acharner après nous. Je me doutais que Teddy n'était pas un garçon loyal. Il le paiera cher. Il n'est pas encore fou, mais il le sera bientôt. Trahir ainsi des amis. Un véritable abus de confiance. Ah, c'est à ne plus croire à rien. Il n'y a plus d'honnêtes gens, soupira Piebald. Tout cela ne nous donne pas les perles, reprit Meraki. Nous savons qu'elles sont à la banque Fort Mice, à Londres, mais elles ne seront remises qu'à Julia Jacobsen, celle-ci va mourir. Et puis, n'oublions pas l'individu chez qui est Mademoiselle Argoulian. Il est sûrement de la police, grommela Piebald. C'est un piège qu'il nous tend. C'est peut-être un piège, mais rien ne nous dit qu'il ait été tendu par la police, remarque Meraki, songeur. Cette pauvre Sonia, larmoya Argoulian. J'aurais dû insister. Courage, beau-père, nous la retrouverons, ricana Piebald. Il est plus facile à retrouver que les perles. Quant à Julia Jacobsen, il ne faut pas qu'elle meure, pour rien au monde. Il n'est au pouvoir de personne de la sauver, maugréa Meraki. Vous ne m'avez pas compris, docteur. Il faut que ce soit une autre qu'elle qui meure. La police connaît son nom, elle, la petite fille de Karl Jacobsen. Faire savoir qu'elle est morte ici serait tout perdre. Et puis, sa succession serait ouverte, et nous serions définitivement volés de nos perles. Les héritiers s'en empareraient. Je comprends, fit Meraki souriant, c'est simple. Je vais déclarer que cette jeune femme, une cocaïnomane invétérée, est venue ici en cachant son nom à cause de sa famille qu'elle ne voulait pas déshonorer. J'expliquerai que je ne la croyais pas si gravement atteinte, etc. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. De ce côté, rien à craindre. Laissez-moi faire. Cela nous donnera du répit pour réfléchir, conclut Piebald. Meraki se leva sur ces mots. Piebald et Argoulian, rompus par leur longue randonnée, ne demandaient pas mieux que d'aller se coucher. Le médecin les conduisit à leur chambre au premier étage, leur souhaita bonne nuit et les laissa. Ils ne dormirent pas. Piebald pensait aux perles, Argoulian à sa fille.